Et je Michel te... Maman. Mais pourquoi tu fais cette tête? Tout le monde me le dit. Pourquoi il fait la tête quand il chante? Mais souris. Sois content d'être sur une scène. Mais tu es là dans la salle, maman. Où tu es? T'occupe pas de moi, travaille. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas. Pas trop de gestes, hein? Bon, arrête. Tu vas pas parler pendant que je chante, non? Qu'est-ce que tu dis, là? Je dis, ne fais pas trop de gestes. Ton père était sobre, sois sobre. Je te dis ça, c'est pas pour moi, Michel. C'est toi qui chantes. Je sais. Tu as grandi, non? Depuis quand? Depuis lundi. Si tu me demandes ça pour que je te dise que j'ai mis des talonnettes dans mes chaussures, eh bien je te le dis, oui, j'ai mis des talonnettes dans mes chaussures, là. Tu sais ce qui peut arriver avec les talonnettes? On en a parlé. Oui. Tu te rappelles? Oui. Que c'est dangereux pour la circulation des jambes, donc pour les reins et la colonne. Oui. Oh, maintenant, maman, tu m'en veux pas, il faut que je chante, hein? Il y en a, ça leur porte à la tête. Des migraines horribles. Et les migraines, tu le sais. Tu m'as dit, oui, tu m'as dit. Il y en a qui meurent. Écoute, maman, tant pis. Je vais mourir, je l'aurais fait exprès. Tu liras dans les journaux, un artiste se suicide en mettant des talonnettes dans ses chaussures, tu sauras que c'est moi. Mais enfin, ne le prends pas sur ce ton. Je suis ta mère. Une mère a le droit de tirer en tête à tête à son fils. Fais attention avec tes talonnettes. Quand même, je suis pas une étrangère. Mais on n'est pas en tête à tête, maman. Maman. Pourquoi tu viens pas me voir? Mais je viens te voir, maman. Comment peux-tu dire ça? Je suis venu il y a 4 jours, il y a 3 jours et encore aujourd'hui. Oui, mais il y a 2 jours, c'est comme si je n'existais pas. Oh, maman. Chante, mon fils. Elle est belle, ta veste. Merci. Déboutonne-la, c'est mieux. Bon. Chante. T'occupe pas de moi. Je téléphone, hein, maman. Allez. Autant pour moi. Reboutonne. C'est moi qui me suis trompée. Eh ben, chante. Qu'est-ce que tu vas chanter, là? My way. Comment? My way. Comme d'habitude. Tu devrais pas la chanter, celle-là. Elle marchera jamais. Redis-moi les paroles du début. Je me lève et je te bouscule. Tu la bouscules? Après. Quoi après? Bah après. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Remarque, si elle se réveille pas, tu as raison de la bousculer. Une femme, ça ne doit pas rester au lit toute la journée. Va, mon fils, ta mère est de ton côté. Et...